Studec Web. Studec Web, il est 17h, l'heure du GPS. Pouet pouet. Studec Web. Studec Web, les infos. Lors des informations avec vous, Eladji Kouaté, bonjour. Bonjour Stéphane. 3 ans après les attentats les plus meurtriers commis en France, un hommage national a été rendu ce matin aux victimes. Un cortège est parti du Stade de France au nord de Paris. Le cortège est ensuite passé par les terrasses et les bars visés par les fusillades avant de s'achever au Bataclan. Étaient présents entre autres Édouard Philippe, Christophe Castaner et Anne Hidalgo, ainsi que son homologue londonien Sadi Khan. Bilan de la soirée en 2015, 130 morts et près de 500 blessés. Michel Fourniret est jugé en ce moment même aux assises de Versailles dans les Yvelines. Il comparaît pour le meurtre de Farida Amich en 88. Il avait aidé à récupérer le magot dans le gang des potiches. Interrogé sur sa personnalité, il a imputé la responsabilité de tous ses crimes à sa première femme. Gilet jaune, Castaner ne veut aucun blocage. Le 17 novembre, il a indiqué que l'État agira pour éviter tout blocage total. Pour rappel, cette journée est destinée à un mouvement de contestation contre la hausse du carburant. Elle était la présidente de l'association de mobilisation des policiers en colère, née au lendemain de l'attaque des policiers à Vitry-Châtillon en 2016. Maggie Buschi s'est suicidée hier à son domicile avec son arme de service. Elle était âgée de 36 ans. Bilan dramatique aux USA de l'incendie de forêt qui fait rage en Californie. On comptait ce matin 42 morts et plus de 200 disparus. La ville de Paradise a été rayée de la carte. Merkel envisage comme Macron une vraie armée européenne dans son discours aujourd'hui devant le Parlement européen à Strasbourg. Angela Merkel a également avancé l'idée de constituer un Conseil de sécurité européen au sein duquel des décisions importantes pourront être prises rapidement pour renforcer la politique extérieure de l'Union européenne. Une météo plus agréable aujourd'hui avec du soleil au fil de la journée sur la plupart des régions, des nuages présents dans l'Occitanie et en Provence, 14 à Paris, 15 à Lyon et à Bordeaux et 20 pour Marseille. C'est la fin de ce flash. Stéphane, je te laisse la parole. Merci Eladji Kouaté. Prochain point sur l'info à 17h20. Studec Web. Une radio des hits. Studec. Du kiff. Studec Web. 17h03, merci d'avoir choisi Studec Web. Vous bougez pas, on passe l'heure ensemble avec toute l'équipe du GPS, le grand prime Studec Web. Où ça ? Sur Studec Web, bien évidemment. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent ? Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête ? Non, j'ai pas fait d'infraction. On m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulé. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi, de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur Studec Web. Oh, tout roule, c'est complètement ça. Bienvenue dans le grand prime Studec, aka le GPS sur Studec Web. Une émission basée sur un doux mélange de bonne humeur et de référence aux voitures. Mais surtout une émission faite pour vous qui rentrez tous les soirs du travail ou de cours. Si vous nous écoutez par exemple en rentrant de l'université, voilà, ça peut être une possibilité. On n'a qu'une mission nous tous les soirs, c'est de vous raccompagner chez vous. Je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas non plus obligé d'arrêter de nous écouter quand vous arrivez chez vous. Pour accomplir cette mission, Studec Web a recruté ce qui se fait de mieux. Puisque Baptiste et Bilal sont avec moi, comment ça va les gars? Hello Steph, hello tout le monde. Eh ben ça roule hein, comme le GPS, pas de crevaison pour l'instant. On parle tout là-dessus. Pour relever encore plus cette équipe que je trouve déjà bien pimentée. Pierre-Louis est avec nous. Bonjour, comment ça va Pierre-Louis? Bonjour à tous. Ça va très bien et vous? Eh ben écoute, ça va super. Pierre-Louis, tu es l'envoyé de la rédaction de Studec Web. Tu vas nous accompagner pendant toute l'heure. On ira faire un tour avec toi des infos les plus bizarres de notre jolie planète. Et on va jouer ensemble même. Ça se passera en fin d'émission dans le quiz de l'intersection. Je vous ai sélectionné que les meilleures questions. Et même si vous perdez, normalement les amis, vous repartez d'ici en ayant appris quelque chose, c'est l'objectif. Les gars, plus de mystère, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Eh ben mon bon Steph, aujourd'hui dans la boîte à gants, je me suis fait une petite toile hier. Moi je vous parle pas de 7ème art, mais de peinture. En tout cas, j'ai tout de même un petit ticket pour un film que j'ai été voir, et ça promet, ça c'est d'ici une demi-heure. Et dans plein phare, je vais revenir sur quelques petits bracos musicaux dans quelques minutes. Ok, merci à toi Bat. Bilal? Et moi pour le nouveau numéro de Vinyl Story, j'ai décidé de rester en France, tu vois, et je vais vous parler d'un groupe français, tu vois. Qui a un peu marqué son époque. Un tout petit peu. De mon côté, j'ai sélectionné ce qui se faisait de mieux sur Studec Web, puisqu'on écoutera ça. Je suis né ce matin, je m'appelle Madame Monsieur, extrait de l'album Vue d'ici qui était sorti en avril dernier, pardon, on écoutera ça aussi. Ça, normalement, vous connaissez la voix, mais peut-être pas le titre. C'est Notre Idylle, Jennifer, issue de l'album Nouvelle Page. C'est sorti le 26 octobre. Vas-y, chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Stidek Web. On va encore me coûter une blinde encore aussi. Mais que serait une belle émission sans jeu. Heureusement pour vous, ici on a le jeu de la marche arrière et c'est Bilal qui est au volant. Et oui, comme vous le connaissez maintenant, on le fait tous les jours. Donc le jeu de la marche arrière, c'est très simple. Vous avez 4 indices, 2 luttes, 2 sonores qui vont essayer de vous faire deviner une année. Si vous pensez avoir trouvé l'année, c'est très simple. Eh ben, vous envoyez un message au Facebook de l'émission. C'est ça, Facebook, page Studek Web. Voilà. Par DM, avec vous nous laissez votre nom, prénom, numéro de téléphone. Et numéro de carte bancaire. Éventuellement, si vous êtes gentil. Et voilà, donc on va pas s'attarder, on va passer tout de suite au premier indice. Premier extrait, let's go. Premier indice. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique. Donc voilà, si vous avez trouvé, si vous avez une idée, vous inscrivez nom, prénom, numéro de téléphone sur le Facebook de l'émission. Voilà. Ok, merci à toi Bilal, je crois que l'indice nous donne déjà une petite idée. Ça l'est pas, ok. Faire une petite idée. Un truc. On va continuer la soirée en musique avec l'hymne de la victoire française. On l'aura définitivement tous les jours, hein. Ça là-dessus. Ramenez la jusqu'à coupe à la maison de VG Dream sur Studek Web. À ce que ça devienne la première musique de chacune de nos émissions. Je crois que notre vœu a été entendu, les amis. C'était ramener la coupe à la maison de VG Dream sur Studek Web. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière ? Voilà, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Studek Web. Hier, il nous passait des tubes à la loupe. Aujourd'hui, il récidive avec une autre analyse pointue de l'industrie musicale. On retrouve Bat qui a l'air d'en avoir gros sur la patate. Encore un petit coup de gueule, Steph. On va parler musique. Il existe une omerta qui subsiste. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de rallumer mes pleins phares sur un fléau qui demeure depuis le début des années 2000. Des crimes contre la musique. Ouais, alors. Ouais, alors. Ah oui, Jules, entre autres. Mais je vais pas m'occuper de Jules aujourd'hui. Non, je reviendrai sur son cas une autre fois. Faites-moi confiance. Non, aujourd'hui, j'ai choisi une autre cible dans mon sniper. Attention, il est chargé. Je vais m'arrêter sur deux cas bien distincts qui ont fait beaucoup de mal aux mélomanes, comme moi, comme vous, comme tout le monde. On appelle ça des covers. Moi, j'ai préféré appeler ça des mix massacreurs hein, qui, pour la plupart, utilisent des samples de morceaux de musique connue. Qu'est-ce qu'un sample, les gars? Ça vous parle? Ouais, évidemment, ouais. C'est une petite boucle de musique qu'on récupère et qu'on... Exactement, ce sont des échantillons, messieurs. Et premier extrait avec un son qui va vous parler. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm not Scooby-Doo, Booby-Doo, Booby-Dooby-Doo. Shake your ass, baby, shake your ass. I'm Not Scooby-Doo, remix de la Soupe aux Choux, c'était en 2005. Et il n'est pas passé inaperçu, hein, du rap sur la Soupe aux Choux, tout simplement. Mister Cosmic et Fatboy ont osé et ils en ont vendu des cartons, hein, je vous le fais pas dire. L'original date de 1981 et composé par Raymond Lefebvre, feu Raymond Lefebvre, qui doit se retourner dans sa tombe à l'heure qu'il est. Allez, il n'y a pas de bien à se faire du mal, deuxième extrait avec une autre pépite. Oh non, Baptiste, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est Crazy Frog. Ah ouais. Ouais, la grenouille folle. Popcorn, sorti en 2005. Encore une fois, 2005, une année d'accident industriel, a priori. Chanté par une grenouille. Allez checker les paroles sur YouTube. C'est un mélange de slovakistanais et de patois breton. Enfin, j'ai pas trouvé la langue. Alors, on débrief. Une grenouille motarde qui chante sur un célèbre son de Jean-Michel Jarre, l'inventeur français de l'électro. Moi, j'ai mal à mon Jean-Michel. Hein. Je sais pas pour vous, mais... ça pique un peu les oreilles. Vous avez reconnu l'original, un popcorn en 1972. Voilà pourquoi vous pouvez enlever maintenant vos boules caisses. Le pire est passé. Et pour tous ceux qui n'emportaient pas de boules caisses, comme aurait pu le dire le célèbre Coluche, ciao tympan. Ciao tympan, on parle là-dessus. Merci à toi, ouais. Bat. Tu nous as fait voyager 2005, Crazy Frog. Et je crois qu'il avait vendu de façon... colossal. Bah ouais, c'est comme René Latop. Ok, s'il te plaît, arrête là. Merci à toi. Avec de plaisir. L'autre côté de la table, il y en a un qui s'est pointé tout bronzé ce matin. Ça sent un petit peu le pastis et les herbes de Provence, puisqu'aujourd'hui, Bilal s'est tapé l'aller-retour, je le disais, Paris-Marseille pour son Vinyl Story. Eh oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Ouais. Vous l'avez compris ou pas, hein, je vais vous parler de ce groupe mythique IAM formé en 1989 et qui est originaire de Marseille. Yes. Le groupe est composé d'Akhenaton, Shuriken, Kéops, Imhotep et Kefren. Le nom du groupe a plusieurs significations. La première, celle qui disent que le nom le plus souvent, le plus souvent qu'ils disent c'est aux médias et tout, c'est qu'à l'époque aux États-Unis, lors d'une manifestation contre le mot intégration, les manifestants avaient des pancartes IAM Man et ils ont gardé le IAM. Ok, voilà. Classe. Parfait. Je suis. Après, ils ont des significations plus basiques comme le IAM qui veut dire impérialiste asiatique men en référence à l'Égypte, la Chine et le Japon dont ils sont fans. Ok. IAM est considéré comme le meilleur groupe de rap français devant des groupes comme l'AFF ou bien NTM. Leur premier album studio De la planète Mars, sorti en 1991, sera un des premiers albums de la scène hip-hop à être diffusé et médiatisé, surtout pour leur rap qui est plutôt politisé. Plutôt, Donc, on s'écoute un extrait avec Non soumis à l'État. Musicalement, on en a pour 10 ans à rattraper le temps qu'on perd en ce moment exaspéré par les conneries qui nous font écouter tous les jours dans les radios, à la télé, c'est normal. Elle n'a aucune voix, mais elle est bien roulée. Ils reviennent plus tard avec Ombre et Lumière en 1993. C'est un peu une consécration, cet album, avec leur hit « Je danse le Mia ». Planète Marseille, je danse le Mia. On a tous pris des râteaux là-dessus. Surtout toi, mon petit bat. Vous en pensez quoi, vous, les gars, du groupe IAM? Eh bah écoute, moi, Bilal, honnêtement, IAM, ça, vous c'est écoutez, clairement... Toi, Baptiste, je sais que ça, t'es fan. Ouais, ça vaut pas Jules, mais quand même, sur le podium. Écoute, on va finir cette jolie chronique en musique. Retour en 97, ça vient de Marseille, tu l'as dit. Extrait de l'album L'École du micro d'argent. IAM, ça s'appelle Petit Frère, et c'est sur Sidek Web. Bienvenue. Je suis... Merci. de la mer entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Pour les oreilles musicales les plus affûtées, ce n'était pas Ayam. Vous êtes dans le GPS, 17h18, voilà, ce n'était pas Ayam, mais il n'y a pas de souci, on se le réécoutera tout à l'heure pour ceux qui étaient venus pour ça. En attendant, vous êtes dans le GPS sur Studekweb, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On débute la soirée ensemble, hein, 17h-18h ici. Et vous bougez pas, il y a l'info qui arrive dans moins de 2 minutes. Baptiste ira fouiller dans sa boîte à gants. Je crois que tu nous parles de ciné aujourd'hui, Baptiste. Toujours autant grippé cette boîte à gants. Et effectivement, j'ai un super film à vous... proposé et bah, écoute, à vous présenter. On attend ça avec impatience. De son côté, il y a Bilal qui vous attend aussi pour jouer avec nous au jeu de la marche arrière. Toujours, j'attends. Voilà, ça se passe toujours on sur la page Facebook. On voit les messages arriver, mais on attend. Et bah ok, ça marche, ça se passe par message, je le disais, sur la page Facebook. Et à côté de ça, on va surtout continuer à prendre du bon temps, à s'amuser, à écouter de la musique. La bonne musique, des fois celle la qu'on annonce, merde. Ça peut être bien aussi. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le hashtag GPS. Voilà, pour découvrir les coulisses de toutes vos émissions préférées. Que du partage sur Studekweb. Tous vos tubes préférés sont sur Studekweb. Test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studek Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez Studek Web. Studek, la web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studek Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studek Web. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute Studek Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Schlossberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineaux. Et vous êtes sur Studek Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studek Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studek Web. Studek Web, les infos. Studek Web. L'information, c'est avec vous, Arthur Vincent. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il y a 3 ans, la France vivait une page des plus sombres de son histoire, des attentats faisant 130 morts et près de 500 blessés. Un hommage national a été rendu ce matin avec un cortège qui a relié les 6 lieux des attentats djihadistes. Pour la première fois, le président de la République n'a pas assisté à la cérémonie. Édouard Philippe, Anne Hidalgo et le maire de Londres, Sadiq Khan, étaient en revanche présents. 4 jours avant la manifestation nationale du 17 novembre, Christophe Castaner est plutôt inquiet concernant la libre circulation des personnes ce jour-là. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé qu'il n'y ait aucune immobilisation totale. Il a ensuite annoncé partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, nous interviendrons. Demandant également aux organisateurs de déclarer leur manifestation en préfecture. Pour rappel, de nombreux Français baptisés Gilets jaunes ont appelé à une journée de blocage des routes samedi pour protester contre la hausse du prix des carburants. Et à noter que Édouard Philippe annoncera les mesures d'aide demain matin à 7h45 au micro de nos confrères de RTL. La chancelière allemande Angela Merkel a prôné cet après-midi, à son tour, la création à terme d'une véritable armée européenne. Peu après une vive controverse sur le sujet entre Donald Trump et Emmanuel Macron, le président américain avait réagi sur Twitter. Emmanuel Macron a suggéré la création de leur propre armée pour protéger l'Europe contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais c'était l'Allemagne dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. La présidence française s'est refusée à commenter cette série de tweets. 7 jours après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille qui a fait 8 morts, l'enquête judiciaire pour établir d'éventuelles responsabilités est entrée dans le vif du sujet, avec des perquisitions aujourd'hui dans des services de la mairie. Les enquêteurs de la police judiciaire ont également perquisitionné le siège du bailleur social Habitat, dépendant de la mairie. Ces perquisitions ont lieu dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Marseille et confiée à la PJ pour déterminer les causes exactes du drame survenu le 5 novembre. Les groupes palestiniens annoncent un cessez-le-feu avec Israël. Pour rappel, ce matin, 2 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, portant à 6 le nombre de tués sur ce territoire par des frappes de l'armée israélienne en moins de 24 heures. Dans la nuit, un Israélien avait également été tué par une roquette palestinienne. Et puis la météo désormais, avec du soleil sur la moitié nord de la France, même si quelques gouttes de pluie sont à prévoir dans la soirée sur la pointe nord du pays. Dans la partie sud, les quelques nuages devraient s'intensifier dans la soirée au niveau du Pays Basque. Côté température, il fera 6 à Paris, 11 à Lyon, 17 à Marseille, 10 à Brest, 13 à Nantes et 11 à Besançon. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, c'est Stéphane et son équipe pour GPS. Bonne soirée sur Studek Web. Merci Arthur Vincent. Studek, l'infotrafic. 17h23 sur Studek Web. On en profite pour jeter un œil sur l'état des routes. Ça se passe avec toi, Pierre-Louis. Et on recense actuellement 208 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. La principale difficulté est sur le périphérique intérieur entre la porte d'Auteuil et la porte Maillot, où un véhicule léger est en panne et ralentit la circulation, comptez une dizaine de minutes. Ça freine aussi sur le périphérique ouest en intérieur, comptez 20 minutes entre porte Maillot et porte de la Chapelle. Côté transport en commun, aucune difficulté à part sur le Transilien. Le trafic est interrompu sur la ligne R entre Morey et Montargis jusqu'à 18h à cause d'un dysfonctionnement. Merci Pierre-Louis. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Vas-y. 17h24 sur Studek Web, vous êtes branchés dans le GPS. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Et en guise de cadeau de bienvenue, justement, on fait un récap du jeu avec, je crois, un nouvel indice, Bilal. Ouais, un nouvel indice, mais avant ça, on va écouter très rapidement le premier indice. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident... Le deuxième indice, c'est le 4 janvier de cette année sorti le film Avatar. Avatar. Avatar. Ok, le bonhomme bleu, vous resituez les gars ?

Studec, l'info trafic. 17h30, est-ce que ça serait pas l'heure d'aller faire un point sur les routes? Je crois bien, ça se passe avec toi Pierre-Louis. Et un périphérique extérieur chargé, trois quarts d'heure de bouchon entre la porte de Saint-Cloud et la porte de Vincennes. Et puis le périphérique intérieur aussi prévoyait 25 minutes de plus entre la porte Maillot et la porte de la Chapelle. 20 minutes de plus également entre la porte de la Villette et porte de Vincennes. Un bouchon de 7 km sur l'A86 extérieur au sud de Paris prévoyait 20 minutes entre Créteil-Pompadour et Saint-Maurice. Faites attention si vous empruntez le barreau de liaison intérieur au nord de Paris, un camion est en panne depuis 14h30, la voie de droite est fermée. Et dans les transports en commun, notez que la ligne 11 est perturbée de Châtelet vers Mérilila. Merci Pierre-Louis et faites attention à vous sur les routes en rentrant, même quand il fait beau. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio, madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. J'ai reculé. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi, de 17h à 18h, pour Roule dans le GPS sur Studec Web. Vous êtes dans le GPS, merci de nous avoir choisis. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre. On débute la soirée ensemble, 17h-18h, ici sur Studec Web. Et restez avec nous, puisque Baptiste, tu as déniché 2-3 films qui méritent qu'on s'y intéresse. Ce sera dans la boîte à gants. À côté de ça, on va jouer ensemble tout à l'heure, puisque chaque jour, une nouvelle intersection est égale à un nouveau quiz, bien évidemment. On verra lequel de Baptiste, Bilal et Pierre-Louis est le plus vif sur le buzzer. Et on continuera aussi à aller prendre des nouvelles des infos. Pierre-Louis, ça se passe avec toi. Tu nous présenteras les histoires les plus incroyables dans le 24 heures sur la planète. Un 24 heures 100% français, là, je crois, aujourd'hui. Américain aussi, non, non. Ah ouais, ah, américain, ouais. Ok. Nos régions ont du talent, les US aussi. Et vous vous en doutez, il y aura aussi de la musique, bien évidemment, puisqu'on écoutera ça. Je vous en parlais tout à l'heure, nouvel extrait de l'album Nouvelle Page justement, c'est sorti le 26 octobre, c'est Jennifer, notre idylle, il y aura ça aussi. Un petit peu plus difficile de vous le présenter ça, What is Love, ça date de 1993, extrait de l'album qui s'appelait L'Album, si j'ai c'est bien compris. C'est Adaway, c'est français. En attendant de pouvoir écouter ça, Bilal, je crois que tu nous refais un point sur le jeu avec notamment un nouvel indice. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe... Ça passe pas. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Un nouvel indice pour un nouveau jeu, Bilal. Écoute, je répète les règles très rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le jeu de la marche arrière, c'est simple. C'est 4 indices, 2 sonores, 2 lus. On est au troisième. Au troisième, si je repasse le premier pour ceux qui n'étaient pas là, qui ont loupé. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. Donc voilà. C'était Nice. C'était le voilà, Nice. Nice, on peut dire aussi. Le deuxième indice, c'est le 4 janvier de cette année-là sortait le film Avatar. Ah, Avatar, les grands bonhommes bleus. La vie en bleu. Le premier film 3D, en fait, je crois, si je me souviens bien. Voilà, exactement. Ok. Aujourd'hui, ça nous paraît acquis quand on va dans les salles de cinéma. Maintenant, ça l'était pas à l'époque. On est à la 4DX maintenant. Ah ouais, c'est vrai. On se prend même des gouttes d'eau quand on traverse des trucs. Et c'était le plus gros budget de l'histoire du ciné à l'époque, 500 millions de dollars. Ok. En fait, il a même pas eu l'Oscar. Très bonne info, mon petit bat. Et le troisième indice, le 27 janvier de cette année-là aussi, Steve Jobs nous présentait pour la première fois l'iPad. Ok, beaucoup d'innovations cette année-là. Bah écoute, merci Bilal. Si vous avez une idée de l'année dont on vous parle, ça se passe toujours sur la page Facebook Studec Web. En DM, vous nous laissez votre numéro de téléphone et votre prénom. Et puis nous, on charge de vous rappeler. Studec Web. Une radio. Studec. Du qui. Studec Web. Ah, c'est le bazar là-dedans. On va peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studec Web. L'homme dont je vous parle aujourd'hui a toujours un vieux ticket de caisse ou une invitation VIP qui se balade coincé entre deux caramels mous dans sa boîte à gants, justement. C'est le retour de Bat qui allait jeter un coup d'œil au grand écran, et ce, pour notre plus grand plaisir. Ouais, j'ai fait un peu de ménage dans la boîte à gants depuis ce temps-là. Aujourd'hui, mardi, j'ai déniché un billet de Cinoche, si ça se dit encore, Cinoche. Je me suis pas foutu de vous, hein. Je vais vous présenter un film qui est sorti un peu inaperçu mercredi dernier, mais qui a vraiment été un coup de cœur pour moi. Le titre, c'est « Saltan à l'hôtel El Royal ». Jingle, Serge. Alors, on va juste mettre le... Bon, c'est pas... Magnéto Serge, il y a de l'oseille hein, chez StudecWeb. Saltan à l'hôtel El Royal, deuxième film du réalisateur américain de Seul sur Mars, Drew Goddard. Ah ouais. Aucun lien avec notre célèbre cinéaste français Jean-François, non Jean-Luc Godard, excusez-moi. Très talentueux en passant. Alors, bienvenue à l'hôtel El Royal. C'est un peu le meilleur thriller que j'ai vu cette année, honnêtement. Hein. C'est une sorte de huis clos ultra stylé à la sauce Pulp Fiction, les gars, avec des persos hauts en couleur, hein, filmés dans des 70s. Sous l'ère Nixon, président Nixon. Je vous plante le pitch. En bref, l'hôtel El Royal, en fait, c'est un établissement autrefois luxueux, mais désormais aussi fatigué que ses clients. Un beau jour, sept âmes aussi perdues les unes que les autres débarquent. Sept personnages, un prêtre, une chanteuse de soul, un voyageur de commerce, une hippie et sa sœur, un homme énigmatique et le gérant de l'hôtel vont se retrouver par hasard. Ça commence vraiment comme une partie de coulée d'eau, hein, n'est-ce pas ? Et tous auront une dernière chance de se racheter avant que l'enfer ne se déchaîne. Puisque vous avez déjà les images en tête, pour vous donner envie, je vous propose de vous faire profiter du son, bande-annonce. L'hôtel El Royal est un établissement à cheval sur deux étages. Vous avez le choix. Une chambre soit en Californie, soit dans le Nevada. Ce n'est pas un endroit pour un prêtre, mon père. Vous ne devriez pas être là. Mon petit, il faudrait revoir votre argumentaire. Je suis pas vraiment prêtre. Oui. Sans déconner. Ça le fait, hein. Il y a de la belle voix, ouais, là, ça s'entend. Ça donne vraiment envie. Hein. Mon avis sur le film, maintenant, si vous aimez Tarantino, notamment Les 8 salopards, entre autres, ou le style des frères Cohen, vous allez adorer ce polar soigné et original, aussi malaisant que déroutant et complètement hors code. Je peux juste reprocher à ce long-métrage ces quelques longueurs, certes un peu bavard, mais bourré de punchlines, servi par d'excellents comédiens comme Dakota Johnson, Jeff Bridges ou Lewis Pullman. Saltan à l'hôtel El Royal. Comme en hôtellerie, je mets 4 étoiles à ce film. Oh là là. Et pas des étoiles filantes. Hein. Alors, s'il vous plaît, foncez le voir dans les salles obscures. Le ciné, c'est pas si cher. Et ça vaut toujours mieux qu'un enrouleur de spaghettis. C'est bien vrai. Merci à toi, Matt. 17h37 pardon, sur CDCO. Vous êtes dans le GPS. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et vous êtes déjà pas mal à réagir sur Twitter, sur le hashtag GPS. Il y a Nadia qui nous dit « La marche arrière d'aujourd'hui, obligée, c'est les années 2000 ». Un petit indice, Bilal ? Écoute, il ne dit rien. Il est muet comme une tour. Je ne dirai jamais, jamais rien. Jamais un indice de trop. Si vous aussi, comme Nadia, bah voilà, vous pensez avoir reconnu l'année dans laquelle Bilal veut nous ramener, ça se passe en DM sur la page Facebook StudecWeb. Vous nous glissez votre numéro et puis nous, bah, on vous rappelle. On en profite pour redonner tous les réseaux sociaux pardon, sur lesquels on vous attend. En direct sur le site de la radio, www.studioecoledefrance.com. @studecweb aussi sur Instagram et sur Twitter avec le hashtag GPS. Continue de venir réagir à l'émission. Baptiste, t'as un truc à me dire. Le Snapchat aussi. Alors, Snapchat, deux questions. Qu'est-ce qu'un DM ? Ah, merci. Qu'est-ce qu'un DM ? C'est un direct message. Et est-ce qu'on peut jouer sur Minitel également ? On peut complètement. Je crois que techniquement, on peut. Excellent. Baptiste. Bon, bah, c'est parfait. Tout le monde. Écoutez, il y a Donatien qui nous dit Bilal, t'as pas trop pleuré hier quand t'as lu que Stan Lee était mort ? Stan Lee, qu'on rappelle le créateur du studio Marvel, c'est ça ? Bah, écoute. Si j'étais vraiment déçu, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Bilal, bon, qui est un fou, fan, un mort fan, lui-même, fan de Marvel. De Marvel, et ben voilà, Stan Lee repose en paix. Et voilà, il est 17h39, vous êtes sur StudecWeb, bienvenue. Salut tout le monde, c'est Morgane, retrouvez-moi demain dans l'émission Borderline de 15h à 16h. Et je ne serai pas seule puisque je serai en compagnie de Julie et Coco. On parlera musique, mais aussi sortie ciné. Et surtout, vous pourrez gagner un pack StudecWeb. Et tout ça, c'est uniquement sur StudecWeb. Hey, moi c'est Julien, ne loupez surtout pas Borderline, parce que sinon, StudecWeb. Une radio des hits. Studec. Du qui Studec Web. D- 17h39 sur Studek Web, les titres du journal du Studek Soir. C'est avec vous Anthony Kazmarek. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Au programme de Studek Soir aujourd'hui, les commémorations des attentats de Paris. 3 ans jour pour jour après les attaques meurtrières au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan, le cortège s'est rendu ce matin sur chaque lieu touché pour une cérémonie d'hommage. L'association de victimes Life for Paris s'était notamment présente. Voilà ce qu'on a pu entendre ce matin devant le Bataclan. Dépôt de gerbes par les associations 13-11-15 Fraternité et Vérité et Life for Paris 13 novembre 2015. Dépôt de gerbes par Monsieur le Premier ministre et Madame la maire de Paris. Mesdames, Messieurs, en mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à observer une minute de silence. 130 morts, plus de 400 blessés et un traumatisme encore intact. Retour sur cette journée de commémoration et sur la reconstruction psychologique des victimes dans Studek Soir. Vous entendrez une sophrologue, une interview réalisée par Quentin Martel et Tony Pitaro. Nous reviendrons également sur le suicide cette nuit de Maggie Biskupski, la figure du mouvement de colère des policiers. Cyranouche Kalatian a contacté pour nous son association qui précise qu'elle fera un communiqué en temps voulu et sans doute dans les prochains jours. Dans Studek Soir, vous entendrez le portrait de Maggie, qui était membre de la BAC de nuit des Yvelines. Très médiatique, on la connaissait notamment pour ses prises de position tranchées contre la haine anti-flic après l'attaque de Viry-Châtillon. Deux policiers avaient été grièvement brûlés dans leur voiture, c'était en octobre 2016. Et puis vous saurez tout sur le nouveau livre de Michelle Obama, Devenir, avec Geoffrey Branger, un ouvrage sorti aujourd'hui aux éditions Fayard. 426 pages dans lesquelles elle revient sur sa jeunesse, sa vie privée avec Barack Obama et ses années en politique. Vous l'entendrez, l'ancienne première dame américaine ne mâche pas ses mots sur la politique du président Trump. Enfin, la météo pour ce soir, pas mal d'éclaircies au nord avec cependant de la grisaille et des nuages bas dans les campagnes, prémisse d'une matinée qui s'annonce bien grise pour demain. Même chose sur la moitié sud où le ciel sera malgré tout plus chargé, surtout autour de la Méditerranée et près des reliefs. Prévoyez pour votre début de soirée 4 à 11 degrés au nord et 8 à 13 dans le sud, ça reste très doux. Voilà le programme Stéphane, rendez-vous à 18h pour Studek Soir présenté par Guillaume Buan. Pour l'instant, je vous laisse avec le GPS. Merci Anthony Kazmarek. Marek, rendez-vous à 18h. Studek, l'infotrafic. 17h42, on en profite pour refaire un point sur l'état des routes avec toi, Pierre-Louis, excuse-moi. Eh bien Stéphane, c'est un trafic plutôt habituel pour cette heure sur les axes de l'Île-de-France, malgré le périphérique extérieur chargé. 3 quarts d'heure de bouchon entre la porte de Saint-Cloud et la porte de Vincennes. Ça freine sur le périphérique ouest en intérieur, comptez 6 minutes entre porte d'Auteuil et porte Maillot. Faites attention si vous empruntez le périphérique en extérieur entre porte de Passy et porte d'Auteuil, un véhicule léger en panne ralentit votre circulation. Et puis dans les transports en commun, le RER A est perturbé entre Boissy, Marne-la-Vallée vers Cergy-Poissy en raison d'un malaise voyageur. Et un bagage oublié qui perturbe également la ligne 13 du métro, station Saint-Denis. La reprise est estimée à 18h30. Merci Pierre-Louis. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. 17h43 sur Studek Web, c'est votre dernière chance de jouer au jeu de la marche arrière. Alors venez nous laisser votre numéro de téléphone dans les DM de la page Facebook Studek Web. Bilal, je crois que tu as un dernier indice pour nous. Ouais, on est au quatrième, on va écouter le premier indice rapidement. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération Française de Football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match. Pour le deuxième indice, le 4 janvier de cette année-là sortait le film Avatar. Avatar, on l'a dit. On l'a dit, et le troisième indice, le 27 janvier de cette année, Steve Jobs nous présentait pour la première fois l'iPad. L'iPad, la tablette, vous la connaissez, ok. Dernier et le quatrième indice, c'est un son, Stromae, Alors on danse, qui était premier des charts toute cette année-là. Toute cette année-là, justement. Ça vient de Belgique, c'est extrait de l'album Cheese. En quelle année? Bah ça, c'est à vous de nous le dire, évidemment. Alors on danse, de Stromae sur Studek Web. Vous en pensez quoi de Stromae, les gars? Moi, j'adore, je suis fan. C'est vrai? Fan, complètement fan. Il revient, fan. Là, je crois, d'ailleurs, après une... Il est plus dans la production, maintenant. Ok, bah écoute, ouais. Ça va peut-être sûrement fonctionner aussi pour lui. Stromae, alors on danse sur Studek Web. Qui dit études, dit travail. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépenses. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Dit famine, dit tiers-monde. Qui qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Le dernier indice qu'on pouvait vous donner pour jouer au jeu de la marche arrière et remporter votre visite de Studekweb, le mythique Stromae, c'était Alors on danse sur Studekweb. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. La marche arrière sur Studekweb. On va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Chaque semaine, entre ces 8 points trafic quotidien, on lui laisse quelques minutes pour essayer de nous étonner. Pierre-Louis, notre pote de la rédaction, est allé chercher les infos les plus bizarres qu'il ait pu trouver pour un 24 heures sur la planète, 100% français, qui au final n'est pas 100% français. Eh bien non. On t'écoute, Pierre-Louis. Et on commence avec Snoop Dogg, qui est venu devant la Maison Blanche pour fumer. En effet, mercredi dernier, le rappeur et producteur américain Snoop Dogg a largement abreuvé d'images sa communauté Instagram, comptant 28 millions d'abonnés. Son excursion du jour, la Maison Blanche. Sauf que Snoop est loin de n'avoir fait qu'admirer le 1600 Pennsylvania Avenue. « Je devais le faire », a écrit à plusieurs reprises le rappeur. Mais que devait-il faire de si important devant la Maison Blanche? Un discours, une collecte de fonds? Eh bien non, Snoop Dogg s'est tranquillement posé sur un banc et a commencé à fumer un joint. Smoke weed every day. Yeah. Ah, yeah, yeah. L'ambiance devient complètement gangster. Observant de temps à autre d'un air railleur la résidence du président américain Donald Trump, il a également lâché un « fuck the president », excusez-moi, tout en tirant une bouffée de son joint et discutant avec les passants. Il est clair que les motivations de notre ami Snoop n'étaient pas d'obtenir une entrevue avec Trump, mais bien d'enfumer l'image du président américain. Ouais. Oh. De retour en France avec le député des Pyrénées, Jean Lassalle, je crois qu'il pourrait devenir la nouvelle star des boîtes de nuit. Oui, Jean Lassalle, sa voix grave, son accent pyrénéen, ses formules souvent originales. Il n'en fallait pas plus pour inspirer un jeune DJ de Lyon qui a décidé d'utiliser quelques frasques verbales de Jean Lassalle et d'y ajouter un son électro-chill pour en faire un morceau intitulé « C'est la chancla ». J'avais un QI juste au-dessus de légèrement de zéro. C'est plutôt chill en vrai. Hey. Oh, ça pulse, hein. Vous mettrez... une vodka tonique pour Baptiste, tiens, c'est pour moi. Allez, sur les rooftops, moi j'écoute la salle. Alors, le résultat, c'est un morceau plutôt amusant et un refrain entêtant. On y retrouve quelques phrases de Jean Lassalle qui ont déjà amusé les internautes. J'avais un QI juste au-dessus, très légèrement de zéro. Ou encore même celle-ci. Mon cochon préféré, C'est une petite cochonne. Ah, celle-là ah, est mythique. Ouais, c'est un bon vieux genre. Que des punchlines. Ouais, la salle que des punchlines. Elle aurait pu être rappeur. Le morceau a tapé dans les oreilles d'une maison de disques marocaine qui a décidé de le produire en 5 jours. Figurez-vous que la vidéo a été vue près de 100 000 fois sur Facebook. Le résultat ne semble pas déplaire à Jean Lassalle, qui l'a partagé sur le réseau social avec le message « La musique adoucit les mœurs ». Oui, Jean Lassalle, vous êtes le président du dance floor. Ah, ça c'est bon, merci à toi Pierre-Louis. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. La marche arrière sur Studekweb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Est-ce que le nouveau son que Pierre-Louis vient de nous faire découvrir sur Jean Lassalle doit rentrer dans la playlist Sudekweb ? Top 50. Oh oui, ouais. Selon moi, oui. Venez nous le dire sur le hashtag GPS. En attendant, il est 17h50, l'heure de jouer sur Sudekweb. Bilal, est-ce que tu peux me dire qui est-ce qu'on accueille au téléphone là, aujourd'hui ? Là, on a Donatien. Allô, Donatien. Salut, Bilal. Salut, ça va, tu vas très bien ? Salut, Donatien. Tu nous appelles d'où ? Du Loir-et-Cher. Du Loir-et-Cher. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis éleveur de carpes. Ah bah, éleveur de carpes. Original. Original. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. C'est genre la fois qu'il y a personne qui a référence. Michel Delpech. D'accord. On le sait. Bon. Non. Concrètement, Michel Delpech pour un carpiste, bon, c'est pas mal. Absolument. Bon allez Donatien, maintenant c'est très simple. Est-ce que t'as une idée de l'année à laquelle on a essayé de vous faire deviner aujourd'hui ? Ouais, je pense que je l'ai. Et je pense donc c'est, je dirais, 2010. 2010. Année 2010. Les gars, on vérifie. Nice, na. Et c'est gagné. Yes, bravo. Bravo. Coucou. Donatien, tu gagneras. T'auras le droit de venir visiter les studios. Voilà, avec en compagnie de Stéphane, avec Baptiste et même Carlou, il sera là. Hein. Et voilà, tu pourras peut-être même te poser au micro avec nous. Et bah écoute, Donatien, je te remercie. On va prendre tes coordonnées là en écoutant une nouveauté Studekweb, justement. Un artiste que j'ai plus besoin de présenter. Jean Lassalle. Je vous parle de Jennifer. J'aimerais bien. La salle des fêtes. Pourquoi une nouveauté ? Parce que c'est tout nouveau. Ça s'appelle Notre Idylle. C'est sur Studekweb. Premier extrait du tout nouvel album de Jennifer, ça s'appelle Nouvelle Page, le titre lui s'appelle Notre Idylle, c'est ce qu'on écoutait sur Sudekweb. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche ? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous, à la base je voulais être chanteuse moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, on va jouer plus tôt. L'intersection sur Sudekweb. 17h54 sur Studekweb, bientôt l'heure de se quitter l'équipe malheureusement, mais avant ça, j'ai envie de jouer avec vous. Nous voilà donc dans l'intersection, les amis, à partir de maintenant, il n'y a plus une équipe, mais bien deux. Baptiste, Bilal, vous fusionnez, Pierre-Louis, tu restes de ton côté, tu vaux trois animateurs à toi seul, tu le sais bien. Une question par équipe, pour chaque question, je vous donne deux choix de réponse, si vous en avez bon partout, on verra ce qu'on fera. Première question, je la pose à Baptiste et Bilal. En 2005, les amis, un biscuit chinois, vous savez, les Chinese cookies, ouais. N'annonce pas une prédiction, mais une suite de nombres. 22, 28, 32, 33, 39, 40... Ainsi que le message « Tout ce que vous avez fait payera enfin ». Que représentent ces chiffres ? Des coordonnées GPS qui mènent à une petite ville en Chine dans laquelle se cachait une vieille peinture qui a été revendue pour très très cher ou une combinaison gagnante du loto américain ? Plus pour la 2, ouais. La deuxième ? Ouais. Eh bah écoute, c'est complètement ça. Encore 25 gagné. Millions de dollars, ouais, ouais. 110 gagnants, c'est ce qui s'est passé. Écoutez les gars, une bonne première réponse. Je vais faire la deuxième et ça sera la belle, vous savez quoi. Même si on s'en rend pas compte, les amis, notre planète tourne autour du soleil chaque nuit, sans même nous en apercevoir. Combien est-ce que de kilomètres parcourt un dormeur moyen ? 500 000 km ou 850 000 ? Pierre-Louis ? 850 000 ? 850 000 ? Écoutez, tout le monde dit 850 000, c'est ouais. La bonne réponse, c'est 850 000. On essaiera un jour de faire l'intersection en entier. En attendant, je vous souhaite c'est une bonne soirée, nul. Les amis. Merci à vous de nous avoir permis de passer le début de soirée avec nous. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir. Je vous donne rendez-vous demain, 17h-18h. En attendant, voici Hadaway, prix écho du single de l'année, ça. Retour en 93 avec What Is Love sur Cinecweb.